goûter la chaleur, goûter un bon café, goûter un beau caravage, aller parcourir quelques églises et puis s'arrêter, c'est tout. Et je trouve ça c'est une vraie grâce d'être à Rome pour ça. Comme une ville dans la ville, un tout petit état, niché dans la cité romaine, tapis bien à l'abri derrière des murailles rouges. Aujourd'hui, dans l'ombre du Vatican, deuxième jour, petite géographie. À Rome sans pape, c'est impensable. Il y a une expression ici qui dit, qui est assez révélatrice, même les pierres sont baptisées. Salus animarum, suprema lex. Le salut des âmes est la loi suprême. De la bibliothèque au supermarché, en passant par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ou les séminaristes footballeurs, bref inventaire du Vatican et de ceux qui y travaillent. Rome n'est pas un endroit pur et parfait et il y a des hommes qui y travaillent, qui sont présents et il y a toutes les figures, quoi. À Rome, il y a aussi bien Satan qui est présent, le mal, que des choses qui sont magnifiques. Nous sommes de nouveau à l'intérieur du Vatican. Nous sommes rentrés par la porte Santa Anna, qui est gardée par les gardes suisses en faction devant la porte, devant les grilles. Donc deux gardes suisses en tenue traditionnelle avec leur habit jaune et bleu, avec les manches bouffantes et le col blanc avec leur béret. Donc là, on marche jusqu'à la gendarmerie, dans une petite ville miniature. On va passer une deuxième grille. Et là, nous longeons la rue principale. Il y a beaucoup de voitures parce que c'est le début de la journée. Donc les gens arrivent pour travailler. Donc il y a un balai de voitures assez incessant. On est doublé par des moines en habit blanc, en habit noir, par des bonnes sœurs et par des grosses berlines. Donc on passe à côté de la poste vaticane, qui est à notre droite. Sur la gauche, il y a l'impressionnant palais apostolique. Au fur et à mesure que l'on marche, on croise de nombreuses fontaines. Il y a beaucoup de fontaines au Vatican. Les gens s'arrêtent pour se rincer les mains, pour boire, pour remplir des bouteilles. Peut-être que l'eau du Vatican a des vertus secrètes. Dans les guides de voyage consacrés à Rome, on trouve toujours des plans de la ville avec les noms de rues, les places, les quartiers et les gares. Mais en plus, entre les pages, comme une petite surprise, il y a souvent un autre plan, plus petit, un plan du Vatican. Il détaille tous ces espaces auxquels, à l'exception des jardins, de la basilique et des musées, les touristes n'ont pas accès. Et du bout du doigt, on longe la muraille, on parcourt les rues, les jardins, les palais. On pointe les portes qui permettent d'y entrer, porte Sainte-Anne, arc des cloches, porte de bronze, et on découvre figuré en tout petit tout ce qui en fait cet étrange état miniature. L'héliport, les casernes, l'antenne de radio, le journal, la réplique de la grotte de Lourdes, la gare, la pharmacie, les églises, la banque, les places et les innombrables cours. Cour Saint-Damas, cour de la Pomme de Pin, cour Sainte-Marthe, cour du Belvédère. Ces cours qui signalent les palais de ce lieu de pouvoir qui tient à rester à l'abri des regards indiscrets. Le terme de secret est associé tout particulièrement au lieu de pouvoir. Bernard Lecomte. Vous avez autant de secrets à la Maison Blanche, à l'Élysée, à la Cité Interdite ou au Kremlin. Simplement, le Vatican, c'est le lieu de pouvoir qui a duré 2000 ans et celui qui, aujourd'hui, suscite encore les fantasmes de tout le monde. Donc, ce tout petit pouvoir, cette toute petite administration qui s'appelle la Curie et qui entoure le pape, est en réalité un carrefour absolument phénoménal aujourd'hui sur la Terre. Il m'arrivait d'aller au Vatican pour tout simplement déjeuner dans une communauté assomptionniste ou autre, parce que je savais que j'allais forcément y rencontrer un type qui sortait de la jungle chilienne, un autre qui débarquait du Sri Lanka et un troisième qui avait passé 5 ans au Maghreb. Donc c'est un lieu de pouvoir très contemporain où, en effet, on rencontre beaucoup de gens, de situations et de mystères. Il y a à la fois beaucoup à faire sur le plan de la démythification et de la démystification. Jean-Luc Poutier. Le Vatican, en tant qu'État, n'existe que depuis 1929. Mais il a pris la suite des États pontificaux du pape, qui eux existaient depuis le milieu du 8e siècle. Et donc, évidemment, l'approche de ce qui s'y passe est toujours marquée par une dimension sacrée, religieuse, qu'il convient peut-être d'évacuer. Finalement, les États du pape ont longtemps été des États comme les autres, gouvernés par un souverain absolu qui était le pape. Et donc, une approche en strict terme de sacré ou de religion évacue toute une dimension politique qui est, à mon sens, sans doute la plus importante. Et ce qui s'y passe, eh bien, c'est beaucoup plus trivial, matériel, politique, administratif. Et à mon sens, c'est cela qu'il est intéressant de voir, pour commencer, lorsque l'on aborde ce qui se passe au Vatican. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez aussi, Bernard Lecomte, nous expliquer un peu la question des accords du Latran, c'est-à-dire la manière dont finalement cet État du Vatican a été constitué, nous remettre un peu dans le contexte. Il faut remonter très rapidement à 1870, qui est la date clé dans l'histoire du Vatican, puisque jusque-là, Rome était la capitale de l'Église. Le pape régnait non seulement comme chef de l'Église, non seulement comme évêque de Rome, mais comme roi. Et la ville de Rome et la région du Latium étaient même ce qu'on appelait un état pontifical, c'est-à-dire que le pape avait aussi un pouvoir temporel. Et en 1870, on sait que la maison de Savoie, les nationalistes italiens, sont entrés dans Rome et ont décidé que Rome serait décidément la capitale de l'Italie. Le pape s'est retrouvé, comme il disait lui-même, prisonnier au Vatican, c'est-à-dire qu'il s'est replié dans le palais apostolique et dans Saint-Pierre de Rome, et il ne s'est plus rien passé pendant 60 ans. C'est-à-dire que l'Italie disait « mais nous, on n'a rien contre vous, simplement on veut que vous obéissiez aux lois du Parlement italien », et le pape répondait « moi, j'ai rien contre vous non plus, mais vous comprenez bien que le statut du chef de l'Église universel ne peut pas dépendre des aléas d'une majorité parlementaire au Sénat de Rome ». Donc il y a eu 60 ans d'incompréhension assez dure, qu'on a appelé la question romaine. Et puis, lorsque Mussolini est arrivé au pouvoir, donc, vous voyez, 1870-1922, la marche sur Rome, Mussolini sait qu'il ne réussira pas sa prise de pouvoir s'il a les catholiques contre lui. Et Mussolini a eu cette idée de dire, eh ben, on va régler la question romaine. C'était très malin, parce que, justement, du côté du pape, on ne demandait que ça. C'est un texte juridique remarquable. D'un côté, la papauté, le pape reconnaît que l'Italie est indépendante et reconnaît son gouvernement. Et en même temps, l'Italie reconnaît la personnalité juridique internationale du pape fondée sur un tout petit territoire, un territoire de 44 hectares, mais ce petit territoire qui appartient en effet au pape et à l'Église fonde l'identité juridique qui permet la reconnaissance internationale de l'État du Vatican. C'était ça l'astuce. Et c'est de là qu'on a vu apparaître ce qu'on appelait l'État-cité du Vatican. Mussolini a voulu rompre aussi avec la politique Philippe Chenot. Anticléricale des gouvernements précédents, bien qu'étant à titre personnel tout à fait incroyant, très hostile à l'Église. Il a compris, comme beaucoup de dictateurs du XXe siècle, l'intérêt qu'il pouvait y avoir à signer un accord avec le Saint-Siège. Ça lui donnait une certaine légitimité sur le plan moral, au plan international. Et d'autre part, ça lui permettait aussi de mieux contrôler l'Église. Parce qu'en fait, quand on parle des accords du Latran, il y a deux, voire trois accords. C'est pour ça qu'on en parle au pluriel. Il y a un traité diplomatique qui permet de régler définitivement la question romaine en reconnaissant la souveraineté du pape sur le territoire de la cité du Vatican. Et il y a ce qu'on appelle un concordat entre le Saint-Siège et l'État italien, qui notamment faisait de la religion catholique, la religion d'État en Italie. Le droit de l'Église d'enseigner la religion catholique dans les écoles publiques italiennes. Donc, au total, un texte très favorable à l'Église. À tel point qu'au lendemain de la signature de ces accords, Pie XI pourra dire « nous avons rendu l'Italie à l'Église et l'Église à l'Italie », hein, de manière un peu emphatique. Et il y a d'ailleurs aussi eu, peut-être ça a aussi des répercussions aujourd'hui, une compensation financière. Oui, c'est un troisième aspect qui est en fait une annexe au traité diplomatique qui prévoyait une importante compensation financière de la part de l'État italien pour le Vatican, comme dommage pour les territoires que le Vatican, le pape avait perdus. C'est un peu l'origine aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, qui a été fondé plus tard en 1942 par Pie XII. Et alors peut-être on peut dire que ces accords du Latran se sont traduits aussi architecturalement dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a eu cette création de la Via della Conciliazione qui est aussi... Oui, on a percé dans le Borgo, ce qu'on appelle aujourd'hui cette allée qui conduit à Saint-Pierre, qui a pris le nom effectivement de la Conciliation, la Conciliazione en italien. Au lendemain des accords de Latran. Oui, c'est une réalisation mussolinienne. Oui. Le Vatican n'est pas occupé seulement par des ecclésiastiques ou des religieuses, des familles y vivent. 1973. Voici Madame Gusso et ses deux filles, Anna Maria et Francesca, qui reviennent de l'école située hors des murs, mais qui sont nées toutes les deux ici dans l'enceinte du Vatican. C'est agréable d'habiter le Vatican, Monsieur Gusso? C'est très agréable en effet. Et puis c'est un honneur d'y vivre. Cela fait 10 ans que nous y habitons, nous sommes vraiment très bien. Vous êtes tous citoyens du Vatican. Oui, voici d'ailleurs mon passeport du Vatican, les papiers d'identité de la famille délivrés par la secrétaire d'État. Votre patron est sympathique avec vous. Paolo Gusso, donc, avait servi Jean XXIII, et c'était assez curieux de l'entendre en parler. Il disait par exemple « Papa Giovanni ». Comme on doit le faire, puisqu'en italien, papa, c'est le pape. Mais c'était une question de ton, si vous voulez. Moi, j'entendais ce papa murmurer avec une telle tendresse, un tel respect, que je comprenais papa comme j'aurais dit papa à mon père. Moi, les cardinaux, maintenant, on ne les voit plus. Ils sont morts ou quoi? Ben non, ils ne sont pas morts, mais les cardinaux, aujourd'hui, vivent plus modestement. Ils sont supposés vivre plus modestement. Et pourtant, c'était... Pourquoi supposer? Mais parce que ça ne va plus avec les idées d'aujourd'hui. Malheureusement, pour nous autres, qui sommes un peu traditionnalistes, et pour le peuple romain aussi, nous regrettons de ne plus voir les cardinaux se promener dans le landau en voiture et avoir de beaux appartements. Mais il faut se plier au temps. Le pape dit, nous obéissons. Parce qu'on n'en voit plus du tout de cardinaux dans Rome. Ni des séminaristes, monsieur, ça c'est beaucoup plus triste. C'était si joli de voir les séminaristes avec leurs bandes de couleurs, ou même les Allemands que nous appelions les gambericotti, parce qu'ils avaient une soutane rouge avec des ceintures. On les appelait les écrivisquites. On ne les voit plus, et les autres non plus. Les Espagnols avaient des pèlerines, les autres avaient des grosses ceintures bleues. Maintenant, je crois qu'ils sont tous en clergé, maintenant. En tous les cas, on ne les voit plus. Ça donnait une grande note, alors, vous savez. Et on les voyait jouer, par exemple, là-bas, à la Villa Borghese, tous ces séminaristes, avec leur soutane qui jouait au football. Je suis romain et puisque mon père était à la bibliothèque du Vatican, moi et mes frères, nous sommes trois garçons, c'était normal que nous allions de temps en temps au jardin à jouer, à nous promener. Il y a beaucoup de sources et de fontaines et... Notamment, il y a une grande fontaine avec une grande aigle, la Fontana dell'Aquilone, la fontaine de l'Aiglon. Et on faisait des petits bateaux avec les fruits de pin. Et on jouait comme ça. Pas Rome sans pape, c'est impensable. En plus, il y a cette énorme présence près du Vatican de la cupole, le cupolone, on dit à Rome. Et en effet, c'était la première chose que voyaient les pèlerins qui venaient du nord. Parce que jusqu'à plus ou moins il y a un siècle, Saint-Pierre était à la limite de la ville. Et alors il y avait la campagne et cet énorme bâtiment était perçu de loin. Borgo Pio, rue de Jésus, faubourg du Saint-Esprit, rue du Vicaire, des Pèlerins, place de l'Église Nouvelle, rue du Séminaire, de l'Oratoire, de la Croix, du Saint-Sépulcre, place de la Trinité, faubourg des Anges, rue des Saints-Apôtres, de l'Humilité, des Capucins, des Cardinaux, rue Saint-Martin, Saint-Jean, Saint-François, Saint-Agathe, rue Pie, Clément, Innocent ou Benoît, rue de la Grâce, de la Miséricorde, de la Purification. Les rues de Rome racontent la ville sainte et mènent au Vatican, qui de l'autre côté du Tibre veille sur la ville, à moins qu'il ne la tense. Large et calme, la Via della Conciliazione amène les pèlerins en chaussures de marche et les touristes en sueur jusqu'à la gigantesque basilique. Et sur les trottoirs, les étals multiplient à l'infini les visages des papes. Jean souriant, Benoît plus grave, Jean-Paul qui fait un signe de la main, et surtout François, qui bénit, qui embrasse, qui étreint, qui laisse s'envoler une colombe, qui porte un sombrero mexicain ou arbore un nez de clown. Les papes sont partout, sur des médailles, des porte-clés, des tasses ou des t-shirts. Entre croyances et superstitions, au mur des garages et dans les trattoria, le Saint-Père voisine avec les posters de la Lazio de Rome et les vieilles photos de Vittorio Gassman à Vespa. Moi, je pense que l'Église doit rester un peu mystérieuse. Romano Milani. Les Romains n'ont pas de grand rapport avec le pape, parce que le Vatican est ici et Rome est là. Le Borgo, c'est le quartier au-delà du Tevere. De l'autre côté du Tibre. Voilà. Et de l'autre côté, il y a Ponte Sant'Angelo qui réunit les deux quartiers. Et par exemple, il y avait le boia, comment ça s'appelle, le bourreau. Le bourreau, voilà, que c'était Mastro Titta. Il était le bourreau du pape et il habitait à Borgo. Au Borgo Pio, dans le quartier. Voilà, voilà, pas loin d'ici, al vicolo del campanile. Et l'exécution, on les faisait de l'autre côté du pont. Et alors, on a réuni, on peut dire, les deux quartiers, et il n'y a plus ces différences entre Borgo, Ponte, les antagonismes, les rivalités. Le Vatican commence à la porta di Sant'Anna. Là, la porta di Sant'Anna, à l'intérieur, il y a le Vatican. C'est l'après-midi et on longe le Tibre, qui est bordé d'arbres, puis il y a des façades ocre. Et beige et rose le long du fleuve. Donc là, on a quitté les rives du Tibre et on a pris des toutes petites rues. Donc on est à l'intérieur de la vieille ville. Donc il y a au loin qui s'échappe au bout de la rue des pins parasols et des cyprès. Et une fontaine aussi tout au bout de la rue. Puis on croise des promeneurs, des touristes. Des touristes fatigués qui mangent des glaces assis sur des bancs. Et puis à chaque petite rue, on débouche sur une minuscule place où il y a encore une église, une autre église. Grazie. Rome est marquée par cette présence de l'autre côté du Tibre, comme disent les Italiens, de la papauté. Jean-Luc Poutier. Et Rome a eu le statut de ville sacrée, et les conditions de vie, la façon de vivre est marquée par cette présence. Pendant longtemps, le nombre des cinémas, des théâtres, des amusements publics était limité, était bridé par cette présence du pape. Et ça reste vrai encore aujourd'hui. Alors, il s'est produit à la fin du 19e siècle une lutte sourde entre la monarchie qui venait de réussir l'unification de l'Italie et la papauté. pour faire de Rome la capitale du côté de la monarchie, la capitale d'une Italie laïque. Et il a fallu longtemps pour que s'opère un rééquilibrage de ces deux présences, à la fois politique, laïque et religieuse, sacrée. Aujourd'hui, tout ça s'est rééquilibré, la sécularisation de la société italienne a fait son œuvre, mais malgré tout, la dimension pontificale de Rome reste très présente. Très majoritairement, les Romains sont papistes, c'est leur pape. Et d'ailleurs, au moment de l'élection du pape François, il y avait dans toute l'Italie, et en particulier à Rome, une attente de retrouver un pape italien. Et même si c'est un pape étranger, pour les Romains, c'est leur pape. Les papes bénéficient toujours d'un amour démonstratif, souvent, de la part de la population de la ville. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. De nombreux fidèles sont venus écouter la catéchèse du Saint-Père. Nous notons cette pluie qui, depuis ce matin, sévit sur la ville éternelle. Eh bien, le Saint-Père vient d'arriver sur le parvis et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Déjà, on a les audiences générales tous les mercredis matin. Il y a l'Angélus le dimanche. Avec les fêtes religieuses, il y a un afflux de pèlerins et de touristes très régulièrement. Il y a aussi les événements extraordinaires autour de l'Église organisés par le Vatican. Donc oui, l'Église, c'est quelque chose de très présent à Rome et en Italie aussi en général, puisque même dans les médias, tous les dimanches, on a un extrait de l'Angélus, des paroles du pape à la télévision, à la radio, quel que soit le débat public, on a toujours la réaction de l'Église. Ici, c'est l'Église et le pape, ça n'est pas indifférent, ça ne laisse pas indifférent. On ne remet pas en cause la légitimité de l'Église et la parole que peut délivrer le pape. En plus, dans le cadre de l'Italie, il y a aussi encore un catholicisme populaire qu'il n'y a plus vraiment en France. C'est-à-dire que le catholicisme n'est pas ghettoisé socialement comme il peut être en France. Et donc, ça irrigue plus la société et ça lui donne aussi plus de légitimité puisque l'Église s'adresse à un plus grand nombre de personnes. Mais la bourgeoisie italienne serait plus anticléricale ou plus proche de l'indifférence française vis-à-vis de l'Église. Et les classes populaires, plus papophiles ou plus proches de l'Église. Bonjour. Buongiorno, ma non una bella giornata. Non è facile applaudire con l'ombrella in mano. Oggi vorrei contemplare con voi la bellezza di questo legame. E possiamo farlo recitando insieme l'Ave Maria, che nella prima parte riprende proprio le parole dell'angelo. Ave Maria, piena di grazia. En allant au Vatican, le jour de l'audience pontificale sous le déluge romain, on croise d'abord les pèlerins béats sous leurs parapluies de toutes les couleurs et leurs ponchos de plastique. Ils font comme un champ d'algues exotiques qui ondulent et dégoulinent sur la place Saint-Pierre. Quand on franchit les murailles, on rencontre ensuite de jeunes séminaristes au teint pâle et aux joues creuses qui vont par deux ou trois, leur soutane noire au vent. On croise aussi des religieux plus âgés, plus sereins, et dont la soutane est parfois ceinturée de rouge. Et ceux-là, tout le monde les salue. Et puis il y a aussi des moines en robe brune ou grise, à capuchon, en sandales, avec ou sans tonsure et cordelettes. Et des chercheurs, sacs au dos ou serviettes en vieux cuir patiné qui vont à la bibliothèque. Des fonctionnaires, des voitures aux vitres teintées, dans lesquelles on devine l'éclair rouge de la calotte. Des sosies de Mère Teresa, voilées de bleu. De vieux Romains très dignes qui, de retour du supermarché local, traînent leur caddie plein de panettone, des banquiers en cravate, des gendarmes méfiants à casquette, des perruches aux plumages éclatants, et aux entrées, fièrement anachroniques, les gardes suisses en casque à panache rouge, manches crevées, hallebardes et culottes bouffantes. Mais j'ai vu que vos collègues aussi ont bien pris la pluie. On a l'habitude. On vous suit ? À venir un peu dans le quartier. Merci. À l'intérieur, en fait, du bâtiment des sous-officiers, on a le réfectoire Adrien Pasquier. Des gardes. On a une première partie ici qui est réservée à la cantine des invités. On pousse une porte de bois avec des vitres en cul de bouteille. Alors on dirait qu'on arrive un peu dans une auberge en Suisse, en Bavière ou en Autriche. Hein. On dirait un stoub, je ne sais pas si on dit ça aussi en Suisse. Comme ça, ces auberges avec ces grandes tables de bois épaisses, ces chaises qui sont vraiment des chaises d'auberge. Le lustre qui est fait avec, on a l'impression que c'est un morceau peut-être de charrue. On est quand même loin de notre patrie. Souvent, les gardes se réunissent pour manger une fondue, manger une raclette. Il y a les dessins sur des fresques sur les murs, on voit des montagnards en uniforme. Justement, une fresque qui présente l'arrivée des premiers gardes suisses. Alors, les mercenaires suisses, dans le début des années 1500, se répandaient de plus en plus dans les cours européennes, dans les cours des rois. C'était des mercenaires qui étaient très appréciés du fait de leur bravoure. Le pape fut un des premiers à décider de prendre une garde suisse pour sa protection, de façon à avoir un corps étranger, ne parlant pas l'italien, pour éviter justement tout problème lié au jeu de pouvoir, et donc d'avoir une garde fidèle, garde qui a plus de 500 ans maintenant. Quelles sont les conditions, quelles sont les obligations quand on veut devenir un garde suisse ? Le premier critère, c'est bien sûr d'être citoyen suisse, d'être catholique. Donc on demande à ce que le curé de paroisse fournisse une lettre d'attestation comme quoi le candidat est un bon catholique. De mesurer au minimum 1m74, d'avoir suivi l'école de recrue à l'armée suisse. Non, je pense que j'ai tout dit là. 1m74. On va ressortir par l'entrée de la. On va pouvoir aller en direction de l'armurerie. Alors on ouvre le parapluie parce que là c'est le déluge ce soir à Rome. Voilà, donc ici nous entrons en fait dans l'armurerie de la garde suisse. Pour la 450e fois depuis la création de la garde suisse Vatican, s'est déroulée dans le décor Renaissance de la cour du Belvédère la cérémonie traditionnelle de la prestation de serment. Chacun des nouveaux enrôlés est venu en levant trois doigts en l'honneur de la Sainte Trinité, jurer fidélité au Saint-Père. Cette cérémonie tombe cette année le jour anniversaire du sac de Rome par le connétable de Bourbon, et où, dans le même costume qu'il porte aujourd'hui, 147 des gardes suisses tombèrent victimes du devoir. On a à côté de nous un râtelier d'armes avec la hallebarde. Évidemment, le garde suisse est en fait un hallebardier. Vous pouvez en sortir une. On va en sortir une. Voilà. On avait la pique qui permettait justement de transpercer l'adversaire. D'un côté, on a une sorte de demi-lune, ce qui permettait en fait de tailler tout ce qui était membres, têtes. Et on a le crochet qui permettait justement de couper les jarrets des chevaux de façon à faire tomber le cavalier. Sur cet albarde, vous constatez qu'il y a quelques ajouts qui ne sont pas d'époque, comme le petit anneau qui permet pour nous d'entendre si le garde lance correctement l'albarde pour faire le salut. La sécurité du Saint-Père fait toujours partie de notre tâche principale. On pourrait imaginer, Adrien Pasquier, qu'il pourrait être plus sage peut-être d'avoir à l'entrée Sainte-Anne ou à l'entrée de l'Arc des Cloches des gardes suisses équipés de fusils. Nous sommes ici à Rome, où il y a énormément de gens qui viennent, de pèlerins. La première arme que l'on utilise, et c'est une des plus puissantes, c'est le dialogue. Parler avec les gens, chercher à les comprendre, permet de résoudre plus de 90% des situations. Le déluge s'est arrêté. Oui. Tout à l'heure, il pleuvait des halbardes, comme on dit. Effectivement, ça tombe bien comme expression. Donc là, on est dans la cour, entre la salle d'armes et la cantine. Et ce passage-là, où est suspendu un drapeau suisse, c'est le passage qui amène du Vatican jusqu'à Castel Sant'Angelo. Et c'est là, en fait, le 6 mai 1527, lors du sac de Rome, 42 gardes, les 42 survivants en fait à l'attaque, ont pu amener le pape Clément VII pour rejoindre le château Saint-Ange. Comme j'ai dit, c'est pas la journée idéale pour faire ses vacances à Rome. Vraiment, là, on a la sensation de la forteresse qu'est le Vatican. On est là devant un donjon énorme, qui est presque menaçant au-dessus de nous. Il n'y a aucune fenêtre. Et puis, le palais apostolique, qui lui aussi semble être une forteresse avec ses fenêtres qui sont petites proportionnellement à cette masse de briques rouges. Et derrière nous, on voit la muraille crénelée du Vatican. Le Vatican se trouve en réalité à l'extérieur de la ville de Rome et en dehors des fortifications de l'Empire romain. Donc, de ce fait, les papes ont dû chercher à construire des fortifications de façon à protéger la basilique Saint-Pierre. Nous nous retrouvons en fait ici, devant la chapelle de la garde suisse. En levant la tête, on observe le palais apostolique et anciennement, au troisième étage du palais apostolique, nous avions l'appartement du Saint-Père et nous étions vraiment juste en dessous pour notre lieu de prière et de recueillement. C'est encore la fenêtre de laquelle il apparaît pour l'Angélus le dimanche. Exactement. Alors, au Vatican travaillent deux catégories de personnes, des clercs, des religieuses et des religieux d'un côté, et des laïcs de l'autre. Jean-Luc Poutier. Les postes essentiels de l'administration sont occupés par des clercs ou des religieux. Et puis, il y a des petites mains laïques qui font fonctionner les services. Ce sont des emplois très recherchés, parce que ce sont des emplois sûrs, pas toujours très bien rémunérés, mais avec un certain nombre d'avantages adjacents. Et donc, ce sont des emplois qu'on se transmet à l'intérieur des familles romaines en général. Alors, il y a à côté de cela, donc à côté de l'administration proprement dite, deux forces de l'ordre, la garde suisse d'un côté et la gendarmerie pontificale de l'autre. Ils se chipotent tout le temps d'ailleurs pour savoir qui a la priorité, qui est le plus important. Et puis, il y a par exemple, lorsque le président de la République française se rend en visite officielle auprès du pape, eh bien, il est accueilli par des familles de la noblesse romaine dont la charge est d'opérer une espèce d'interface entre le pouvoir civil d'un président de la République et le pouvoir religieux du pape. Il existait à l'intérieur des États pontificaux une aristocratie qui n'était pas seulement une aristocratie religieuse, une aristocratie civile. Et ces grandes familles romaines où du Latium et de l'ensemble des États pontificaux occupaient aux côtés du pape une fonction de conseil et de représentation qui s'est transmise au fil des siècles. Le pape François, venu d'Argentine avec des conceptions du gouvernement un peu différentes de celles de ses prédécesseurs, va gentiment écarter toutes ces personnes qui occupent des positions un peu parasitaires à l'intérieur de la curie et du Vatican. Je vous donne un exemple, par exemple. Mon mari était camérier secret du pape. Il est enterré à la campagne chez nous, près de Lucca. Bon, sur son tombeau, il y a son nom et puis camérier secret du pape. Quand les gens de la campagne... Pardon, j'ai pas compris. Camérier du pape. Secret du pape, de sa sainteté. Camérier secreto di sua santità. Bon. Quand les gens de la campagne, la première fois, sont venus prier au tombeau de mon mari, ont vu camérière, ils ont dit, mais alors d'être camérier, c'est un honneur. J'ai dit, oui, c'était un très grand honneur. Ça prouve que mon mari faisait partie des personnes qui vivaient dans l'intimité du pape, qui faisaient partie de la chambre privée du pape. Ça les a beaucoup impressionnés. Et on est en route pour l'oratorio San Pietro qui se trouve via Santa Maria Mediatrice, la rue Sainte Marie Médiatrice. Donc on va retrouver en fait l'équipe du séminaire français, l'équipe de football du séminaire français qui dispute un match ce matin. On tourne là, on prend une rue qui longe le mur d'enceinte du Vatican. Donc là il y a un camion arrêté au milieu de la rue avec des gens qui se disputent. Ça fait un embouteillage et puis les gens qui font la queue tout autour du mur d'enceinte pour aller au musée du Vatican. Et on leur vend des bras articulés pour poser dessus les téléphones portables et faire des photos, des selfies devant Saint-Pierre. Donc la queue est gigantesque parce que là, ça fait plusieurs pans de mur qu'on longe en taxi. Il y a cette queue de touristes qui semble ne jamais s'arrêter. Alors il y a des vendeurs qui en profitent pour vendre des chapeaux, des imitations de sacs de grandes marques qui font de la musique. Là on passe devant l'entrée des musées du Vatican. Donc là aussi il y a le blason du Vatican et les deux clés de Saint-Pierre qui sont entrecroisées. Et devant l'inévitable petite camionnette qui vend des boissons, des sandwichs, des glaces. Patatine, chiambelle, gelati et bibite. Et puis partout, en face des murailles, des boutiques de souvenirs. Et au-dessus des murailles, on voit aussi qu'il y a des grands pins parasols qui dépassent, comme des fleurs qui dépasseraient d'un pot de fleurs. Là, dans une petite rue, très calme, avec des cyprès au bout. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et bonjour, Felice. Felice, bonjour. Bonjour. Venez voir. Ah oui, de ce terrain, on voit Saint-Pierre. Oui, d'accord. C'est la meilleure. Donc c'est le meilleur terrain parce qu'on joue sous la protection de Saint-Pierre. Alors, les Français ont joué déjà à qui? Sur le terrain, et on voit Saint-Pierre. Aujourd'hui, il doit jouer sur l'autre. Là-bas. Ils sont l'unique équipe qui n'a pas buté. Qui n'a pas marqué. Marqué. Ça sont les supporters du Red Mart et du Mexicain. Salut, on peut monter. Oui. Ah oui, on voit Saint-Pierre, effectivement. Donc c'est des mariachi, en fait, les supporters. Hey! Il y a combien d'équipes qui jouent en tout dans le... 16. 16 équipes. 16 équipes de séminaires et collèges. De Rome. De Rome, mais collège international. De 66. De 66 tous nations. Les mondes, tous les continents. Il n'y a pas une équipe argentine comme Argentine, le Pape. Il y a des Argentins qui jouent. Dans l'équipe du Verbo Incarnato qui... Du Verbe Incarné. Jouant à l'attaque, la partie, le match du Vangelo, comment si dice? Evangelisation. Ah, de l'Évangile. De l'Évangile. Giochiamo in attacco la partita del Vangelo. C'est une phrase que Pape François a dit l'année dernière dans une grande manifestation en Saint-Pierre. Faire du sport un instrument, comment se dit? Un instrument d'évangélisation. D'évangélisation. Ça, c'est la 9e édition. Ça fait 9 ans qu'existe le tournoi, la Clericus Cup. Oui. Et. Excusez-moi. Il y a un but? Non, parlo comme se dit. Un poteau. Parce que le sport, c'est important pour la formation spirituelle, non? C'est une pastorale sportive. Une pastorale sportive. Être pastore. Pastore, c'est le pasteur. Oui. Oui, non? Le pasteur. Le pastore, c'est le nom d'un joueur du PSG. Mais oui, bien sûr, pasteur. Oui, oui. Voilà, c'est ça, parce que en fait, l'équipe du séminaire français s'appelle le PSG. Si, si. Comme le PSG comme à Paris, mais ça n'a pas le même sens. Pontificial séminarique gallique. Donc le séminaire pontifical gaulois. Oui. Voilà. Et donc ils ont repris les initiales du PSG et donc ils disent nous aussi on a un pasteur dans notre équipe en fait. Non, il n'y a pas pasteur. Non, mais ils sont pasteurs, mais il n'y a pas pasteur. Voilà, il n'y a pas pasteur, mais ils sont pasteurs. Okay. Oui. Andiamo a vedere i francesi. On est allé jusqu'à un autre stade, c'est le stade où va jouer l'équipe du séminaire français contre les États-Unis, c'est ça? Oui. Donc là, il y a l'équipe donc, du séminaire français qui s'entraîne, donc l'équipe du PSG, qui s'entraîne avant le match. Alors, on a changé de tactique. On fait un 3-3-3-1. Un plan trinitaire. Donc David au centre, Jean-Claude à gauche, encore vers Jean-François à droite. On fait comme ça. Ok. Amen. Allez. Une petite parole. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien, mais au contraire, nous nous présentons comme de vrais ministres de Dieu par notre vie tout entière. Toute notre persévérance, les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups de bâton, la prison et les émeutes, les fatigues, les nuits sans dormir et les journées sans manger, la chasteté, la puissance qui vient de Dieu, nous nous présentons avec les armes des justes pour attaquer et pour nous défendre. Dans la gloire et le mépris, on nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, démunis de tout et nous possédons tout. Amen. Amen. Amen. Alors ça y est, donc j'imagine que le coup d'envoi va bientôt être tiré. Et donc voilà, l'équipe va rejoindre le terrain où ils vont jouer le match donc, contre les États-Unis. Alors malheureusement, ils sont déjà éliminés. Donc ils jouent aujourd'hui un peu le baroud d'honneur, la belle. C'est un match difficile. L'équipe a envie surtout de jouer le mieux possible, mais il n'y a pas trop de suspense sur le résultat final. On sait jamais, il peut y avoir un miracle. Oui, mais la grâce ne remplace pas la nature. Hein. Voilà, ça c'est la bonne théologie. Donc au niveau de la nature, quand même, là, il y a quand même un avantage certain du côté des Américains. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était loin le meilleur match. Vous nous aviez annoncé une catastrophe et c'était bien. Non, ça a été le meilleur match de la compétition pour nous. Là. C'était pas mal. On perd que 1-0. Donc, c'est 1-0, hein, pas 2. 1-0. Hein. 1-0. Ouais, je sais pas pour vous où c'est le mieux. Très bien. David et Patrick, vous sortez d'un match donc de la Clericus Cup. Comment tous les deux vous en êtes venus justement à atterrir ici, au séminaire à Rome ? Alors, nous deux, on vient de Belgique, l'Institut d'études théologiques qui était tenu par les pères jésuites. Et moi, pour la théologie, on m'a envoyé donc à Rome pour 3 ans ou 5 ans si on poursuit avec une spécialisation. Voilà, donc pour Patrick, c'est un petit peu différent. Moi, je suis déjà diacre, donc j'ai terminé le cycle du séminaire et je suis en licence de théologie biblique, ici donc à la Grégorienne à Rome. Et donc j'ai fait tout mon premier cycle, donc tout mon temps de séminaire, les 5 ans à Bruxelles. Et je dirais, en plus de cela, il y a cette proximité avec un peu ce qui est le cœur de l'Église, tant de saints qui sont passés par Rome, la proximité avec le pape, avec les différents membres de la curie qu'on a l'occasion de côtoyer ici ou là. Et donc c'est vrai que quand on sera de retour en France, on portera ce qui se vit ici, par exemple le synode pour la famille, qui s'est vécu en octobre dernier, qui se vivra à nouveau en octobre prochain, on le vivra d'une autre manière. Pour vous, ce pape-là, qu'est-ce qu'il représente ? J'ai eu l'occasion de pouvoir servir une des messes à la basilique Saint-Pierre le 2 février dernier et de l'approcher, de pouvoir partager quelques mots avec lui. Je lui ai dit simplement que je priais vraiment pour lui et il m'a répondu, je voudrais dire en français, « J'ai besoin, fils ». Donc en fait, c'est une image de paternité, vraiment. Et c'est vrai que c'est un bon père pour nous. J'ai le sentiment qu'il y a deux cas de figure possibles. D'abord, les prêtres ou religieux qui, à un moment donné, ont envie de travailler pour l'administration du Saint-Siège et qui donc suivent un cursus des études au sein d'une sorte d'université, d'une sorte d'école nationale d'administration du Saint-Siège qui s'appelle l'Académie pontificale ecclésiastique. Et donc là, ces prêtres reçoivent une formation et en général se destinent d'abord à une carrière diplomatique. Donc ils vont rejoindre une nonciature, travailler comme diplomate pour le Saint-Siège pendant un certain temps, et puis parmi eux sont choisis ensuite des administrateurs du Saint-Siège sur place à Rome. Et puis il est nécessaire aussi d'avoir dans les divers organismes de la curie la présence de personnes, et en général on choisit plutôt là aussi des clercs, qui vont être les correspondants des épiscopats locaux à l'intérieur de chaque grande congrégation ou conseil et qui vont aussi, par exemple, assurer des tâches de traduction des textes officiels dans les différentes langues. Et donc là, eh bien, le Saint-Siège, par le biais des nonces dans les différents pays ou par le biais des épiscopats locaux, va recruter des prêtres, des religieux qui seront repérés pour leur qualité personnelle et qui vont venir travailler au Vatican. Donc on ne fait pas acte de candidature à proprement parler. C'est un choix qui se fait depuis Rome. En ce temps-là, l'ange dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Voici l'emblème originel du masculin, le phallus rudimentaire. Oh, droit au but. Oui, très juste. On l'appelle communément la lame. Elle représente l'agressivité, la virilité. C'est un symbole toujours en usage de nos jours sur les uniformes militaires. Oui, plus on a de pénis, plus on est gradé. Les garçons sont incorrigibles. Et tout à fait logiquement, le symbole du féminin est son exact contraire. On l'appelle le calice. Calice évoquant une coupe, un creuset, ou plus pertinemment, la forme d'une matrice de femme. Le Graal n'a jamais été une coupe. Il s'agit littéralement de l'antique symbole de la féminité, et en l'occurrence d'une femme portant un secret si considérable que sa révélation réduirait à néant les fondements même du christianisme. Naquele tempo, o anjo disse a Maria: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Les bonnes sœurs hantent le Borgo Pio. Elles hantent aussi le Vatican. Elles sont les petites mains qui fabriquent les cierges ou les hosties. Elles s'occupent du linge, des courses, du ménage et de la cuisine de leurs grands hommes. Elles sont des présences silencieuses dans les logements des cardinaux et leurs vœux d'humilité et d'obéissance les font presque disparaître. Elles servent, elles prient, elles attendent les apparitions du pape, elles sont souriantes, de tous âges, et on devine leurs cheveux sous le voile. Elles vont en grappe, dans un camaïeu de couleur terne et de chaussures plates. Omniprésentes au Vatican, indispensables mais invisibles, jamais elles ne sont à la tête de dicastère, d'office ou de commission. Jamais elles ne prêchent, jamais elles ne portent de ceinture cardinalice. Elles trouvent discrètement, et rarement, des angles morts pour être archéologues, philosophes ou enseignées. Et alors, elles vont la tête haute dans les couloirs du Vatican. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que pour nous c'est très impressionnant, donc on a rendu visite à des cardinaux, à des évêques, au Vatican, donc dans cet univers qui est extrêmement masculin, vous, vous êtes une sœur, qu'est-ce qu'il y a comme espace, comme place pour les femmes, pour les religieuses au Vatican? Pas beaucoup. Mais... Enfin, certaines quand même, maintenant qu'on commence à... Mais même dans les universités pontificales, parce que moi j'ai enseigné 35 ans... Sœur Anaïque Mérel. Dans ces universités, mais on était quoi, deux femmes? C'était encore le monde des hommes qui normalement enseignent la théologie. Mais comme, bon, moi j'avais fait ces études d'archéologie, il n'y avait personne d'autre sans doute qui faisait ça, donc la première année de théologie demande d'étudier aussi l'archéologie chrétienne à Rome. Donc voilà, je suis rentrée comme poste de travail là, mais je me trouvais effectivement, on était deux, il y avait le professeur de philosophie qui était une de mes consoeurs, et moi, voilà. Et c'est pareil dans les bureaux, si vous avez, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, vous êtes rentrée à la secrétaire d'État, pareil, vous voyez des hommes. On voit par contre beaucoup de sœurs qui font la cuisine. Ah voilà, le repassage, la sacristie, peut-être que ça va petit à petit changer, parce que je crois quand même que enfin, pour la commission des laïcs, c'est déjà une femme. Petit à petit, je crois quand même que ça va changer. Et vous trouvez qu'il faudrait que ça change, vous ? Moi, je crois que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, je crois. Enfin, autant de possibilités de caractère. On le voit aussi dans le gouvernement, par exemple. On voit des femmes ministres maintenant, ce qu'on ne voyait pas avant non plus. Il y a une peur de la mixité aussi dans l'Église. Non, ça, je ne mettrai pas sous cet aspect-là. Je crois que chacun reste à sa place. C'est... Bon, on travaille ensemble. C'est... Petit à petit, je crois que ça se fera. Ici Pierre Corval, à Rome. Semaine historique a plus d'un titre au Concile œcuménique Vatican II. Pour la première fois, cette semaine, des femmes ont été admises officiellement à siéger au Concile. Et parmi ces femmes, Mademoiselle Monet, que j'ai le plaisir de vous présenter. Mademoiselle, est-ce que vous vous attendiez à votre nomination ? Non, pas du tout. À quel titre avez-vous été nommée, mademoiselle ? Au titre de présidente du Mouvement international d'apostolat des milieux sociaux indépendants. Et comment avez-vous été nommée ? Oh, j'ai été nommée d'une manière merveilleuse. Nous étions ici à Rome pour un congrès international de ce mouvement et... Dimanche dernier, le 20 septembre à 8h, Saint-Père a dit, et voilà, je suis heureux de vous voir tous ensemble. Ce ne sont pas les paroles exactes du Saint-Père, oui, mais c'est ce que ça disait. Je vous vois réunis autour de votre présidente, Mademoiselle Marie-Louise Monet. Quand je l'ai entendu sous la coupole de Saint-Pierre résonner ainsi mon nom, je me suis dit, il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Et à son sujet, je vais vous faire une confidence. C'est de vous dire que votre présidente est sur la liste des auditrices. Alors à ce moment-là, mes amis ont éclaté en applaudissements. Et en particulier, des Suisses qui étaient près de nous sont écriés « Nous vivons un jour historique, nous voyons entrer, appelés par l'Église, des personnes qui ont des vies toutes simples et toutes ordinaires. » Pour simplifier, il faut attendre le Concile Vatican II pratiquement pour que vraiment on dise « Tiens, c'est curieux, il y a des femmes là qui connaissent bien la théologie, on peut même les faire participer à des sessions, c'est ce qui s'est passé. » La première était une Française, d'ailleurs. C'était la sœur de Jean Monnet. C'était un événement, hein, au moment du Concile. Donc on est, vous voyez, 63-64. Hein. Soyons clairs, ça n'a pas beaucoup changé la pratique globale de l'Église, qui était quand même que c'est les hommes qui commandent et basta. Hein. Sous Jean-Paul II, par exemple, à Pékin, pour la grande conférence des Nations Unies sur les femmes, la délégation du Vatican était dirigée par une femme, qui était au-dessus dans la hiérarchie que les cardinaux ou les évêques qui étaient dans la commission. Et ça, on l'a retrouvé encore aujourd'hui, par exemple, vous avez une femme qui est à la tête de l'Académie pontificale des sciences. Jean-Paul II est certainement le premier pape qui n'avait vraiment pas peur des femmes et qui aimait les femmes. Jean-Paul II, comme vous le savez, a eu une jeunesse pas du tout sacerdotale. Il faisait du théâtre, il avait une partenaire qui était une jolie jeune femme de Wadowice qui faisait du théâtre avec lui. Il a d'ailleurs failli l'épouser à un moment. Elle va finir par épouser son meilleur ami. Il sera le parrain de sa fille. Vous voyez que c'était quand même, on était très proches dans cette affaire. Eh bien, Jean-Paul II, qui a écrit des choses sur les femmes assez étonnantes, quand vous relisez sa lettre aux femmes, « Merci à toi, femme, rien que pour le fait d'être femme », enfin des trucs. Et puis Jean-Paul II, on se rappelle aussi, pendant ses voyages, il n'avait pas peur d'attraper les femmes par le bras, de danser avec. Et pourtant, il n'a pas nommé beaucoup de femmes. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Voilà. Et le pape François, c'est pareil. Il n'a absolument pas peur des femmes. Il les embrasse comme du bon pain. Il les considère comme absolument comme des hommes. Enfin, dans sa pastorale, dans sa méthode, dans ses gestes, il n'y a rien qui distingue la femme de l'homme. Par exemple, le pape a dit que les femmes doivent occuper dans l'Église des postes où on prend des décisions, où on exerce l'autorité. Ce n'est pas comme les autres papes qui disaient que les femmes sont magnifiques, que les femmes ont fait de grandes choses pour l'Église dans les ordres religieux. François a touché précisément les points délicats du pouvoir, qui doivent être partagés entre femmes et hommes dans l'Église. Et alors on voit, par exemple, qu'il y a une résistance silencieuse à l'idée que demain, on pourrait avoir des femmes qui sont chefs de certains conseils pontificaux dans le Vatican. Mais le pape François aurait pu nommer ces femmes. Oui, mais dans la Curie, il va attendre la réforme de la Curie. Le pape, disons, est aussi un gradualiste. Peut-être l'année prochaine, on aura le document de base de cette réforme. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pie XII, mon privilège fut de le servir. Récit hagiographique de la vie de sœur Pascalina Lennert aux côtés de Pie XII qui fut son grand homme. Elle s'occupait de tout, y compris des oiseaux du pape. Un jour, un verdier tombé du nid fut recueilli à la maison et son attachement envers le cardinal fit la joie de celui-ci. C'est à partir de ce moment-là que les petits oiseaux devinrent ses compagnons inséparables. À Castel Gandolfo, un verdier entra un jour par la fenêtre et resta comme s'il avait toujours été chez nous. Si le pape montait l'escalier, l'oiseau sautillait de marche en marche à ses côtés et il fallait faire attention de ne pas lui faire de mal. Comme il était si attachant, nous l'emmenâmes un matin sur la terrasse. Il y resta un moment, mais ensuite, il s'envola dans les airs et disparut. Pourtant, le lendemain, notre petit Hans s'était posé sur le dos du fauteuil du Saint-Père et vint à lui à tire-d'aile, comme si de rien n'était. Gretchen, la belle serine toute blanche, avait l'affection particulière du Saint-Père. Quand le Saint-Père venait à table, Le petit nid, avec Gretchen, était posé à côté de son assiette. Puis, Gretchen se posait sur ses mains, sa tête, ses épaules, allant se percher sur son assiette, et évidemment, tombant une fois aussi, malgré toutes les précautions prises, dans la soupe chaude. Elle allait se mettre sur chaque plat pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qu'elle aimait. Quand le Saint-Père la menaçait du doigt, « Gretchen, ce n'est pas pour toi !» Elle se retirait, mais venait alors sur sa main pour voir si là, peut-être, il n'y aurait pas quelque chose. Le matin, à 6h15, on entendait dans la pièce où le pape s'habillait le ronronnement du rasoir électrique. Dans sa cage, Gretchen n'y tenait plus. Bien que Pie 12 écoutât la radio, l'oiseau avait le droit d'aller le retrouver. Il se posait alors sur la main qui tenait le rasoir et se laissait bercer. Il y a eu des femmes dans la vie de tous les papes. D'abord, leur mère, souvent leur sœur, parfois des religieuses. Simplement, quand un homme d'église s'affiche dans une cérémonie, dans une, Bernard Lecomte. Dans une messe, dans un voyage ou que sais-je, il est bien rare de le voir accompagné de femmes. Il y a parfois comme ça des femmes qui sont tout près de la papauté. Pascalina, qui a accompagné Pie XII et qui est une figure comme ça, une figure féminine qui était vraiment au plus proche du Vatican. Sœur Pascalina, c'est un destin exceptionnel. C'est une figure pathétique, d'ailleurs, de l'histoire de l'Église, parce que cette jeune religieuse qui fait la connaissance de Eugène Pacelli, le futur Pie XII, quand il est nonce à Munich. Et lui, Pacelli, pour sa nonciature, il a besoin de quelqu'un pour organiser un peu le ménage, et donc il fait appel à une mère de couvent dans le coin qui lui dit on va vous envoyer sœur Pascalina, elle a 23 ans, elle sait faire ça, elle est aussi infirmière, elle pourra vous conseiller, etc. Et la petite sœur Pascalina, 23 ans, qui est jolie comme un cœur et qui a un culot absolument incroyable, va s'imposer dans l'entourage du nonce. Elle va se rendre indispensable et leurs liens sont de plus en plus étroits. Parce que tout simplement, elle commence à comprendre comment il fonctionne, les problèmes de médicaments, de nourriture, des choses comme ça. Et puis lui, qui est fasciné par cette jeune femme incroyablement dynamique, qui donne des ordres à tous les types de la maison de la nonciature. Bon, s'ils avaient été dans un autre monde et à d'autres postes, ce serait certainement rejoint plus que ça. Quand Pacelli est nommé secrétaire d'État, a priori, c'est fini, c'est terminé. La jeune religieuse rentre dans son couvent et c'est fini. Eh bien, elle réussit à s'imposer. Elle a un culot incroyable, cette jeune femme. Ce qui va aboutir à une situation absolument à tomber par terre, c'est que lorsque Pie XI meurt en 1939, Pacelli, qui est donc secrétaire d'État, camerlingue et futur pape, lui, l'impose Pascalina. C'est la première fois dans l'histoire qu'une femme est présente à un conclave et dans les coulisses du conclave. Et puis, inutile de vous dire que ça fait jaser. La fin de l'histoire est pathétique parce que Pie XII meurt, il est très vieux, elle aussi a pris beaucoup d'âge. On est en 58, ils se connaissent depuis 1917, vous vous rendez compte. Et quand Pie XII meurt, Tisserand, le cardinal Tisserand, lui dit « Bon, ben ma sœur, maintenant on n'a plus besoin de vous ». Et elle dit « Attendez, permettez-moi au moins de rentrer à Rome avec lui ». Non, non, non, il n'y avait même pas de place pour elle dans le convoi officiel. Et quand elle dit à Tisserand, après les obsèques, « Et puis j'aimerais bien prendre peut-être quelques effets personnels qui me rappellent le Saint-Père », Tisserand lui dit « À 7h ce soir, vous n'êtes plus là, voilà quelques billets pour aller où vous voulez ». Et puisque vous voulez des affaires du Saint-Père, prenez donc cette cage à oiseaux qui nous encombre. Et on a vu Mère Pascalina, parce qu'à ce moment-là, c'était plus sœur, c'était Mère Pascalina, sur la place Saint-Pierre, en train d'attendre un taxi avec une valise et une cage à oiseaux. L'autorisation, c'est le sésame pour entrer au Vatican. Signé, daté, tamponné par le Conseil pontifical des communications sociales, il faut la montrer au garde suisse qui vous indique le poste de gendarmerie où l'on tend encore l'autorisation frappée de la mitre et des clés. Coup de téléphone pour vérifier avec le service concerné, le gendarme s'extrait de sa guérite et indique un autre poste de gendarmerie. Dans la cour suivante, on ressort l'autorisation un peu froissée. Petit coup de fil, une nouvelle cour, des murailles, des porches et derrière une porte, un guichet. On ressent encore une fois, machinalement, l'autorisation qui ne ressemble plus à rien, portique, carte magnétique, couloir, le tout sous bonne escorte, et enfin, Antonio Manfredi, scriptor à la Bibliothèque Vaticane. Antonio Manfredi, on est là donc dans la Bibliothèque Vaticane, donc on est dans une salle qui est déserte, une grande salle qui rappelle effectivement les salles de lecture des bibliothèques avec deux travées séparées par des colonnes et qui soutiennent donc des voûtes, et l'intégralité vraiment des murs presque jusqu'au sol est couverte de fresques qui montrent des scènes où on voit des évêques, on voit des papes, des scènes de la vie religieuse, on voit aussi des gens en costume antique, et puis il y a aussi d'autres scènes en médaillons plus petites sur les voûtes. On voit des instruments de musique, on voit des anges, on voit des animaux, on voit des déesses qui portent des couronnes de fleurs, on voit des vertus, des angelots qui font la ronde sur des ciels bleus au milieu des nuages. Cette salle, elle a été décorée à la fin du XVIe siècle. Dans les fresques, on voit deux grandes histoires. L'histoire de la culture, symbolisée par les grandes bibliothèques de l'Antiquité. Alors on va peut-être s'approcher pour voir. Oui, on peut voir tout en costume du XVIe siècle, bien sûr. Les grandes bibliothèques de l'âge ancien, c'est-à-dire la Bibliothèque des Hébreux, la Bibliothèque de Babylone. La tour de Babel, à l'arrière-plan. Oui, c'est ça. Les grandes bibliothèques d'Alexandrie. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la peinture qui représente la bibliothèque d'Alexandrie ? Vous pouvez voir ici les bibliothèques où les livres sont rangés dans des armoires, la préparation des manuscrits, la présence des personnages qui vont lire, vont étudier, et comme ça. Et donc, enfin, la bibliothèque des papes. Les trois papes fondateurs de la bibliothèque, Nicolas Sonck, donc celui qui a un chapeau rouge. En italien, on les appelle camauro, c'est-à-dire c'est un petit chapeau. Et qui cache les oreilles, un petit chapeau rouge bordé c'est d'or. Non, il est fourré d'hermine blanche, oui. Et donc c'est Nicolas Sonck, le véritable fondateur de la bibliothèque dans la moitié du XVe siècle, et Siste Sonck, le pape qui règne, et donc est habillé comme un pape avec la tiare, avec le grand manteau de pape. Et ceux-ci, ce sont les deux, le pape et l'empereur, qui défendent la parole qui est Jésus-Christ, qui est la fin du chemin de la connaissance de l'homme et de la connaissance théologique. Toute cette histoire veut symboliser l'histoire de la culture jusqu'à la bibliothèque des papes. Donc, c'est un peu une grande image du rapport entre la culture et la foi. Qui sont ces personnages? Ils sont les fondateurs des langues. Il commence par Adam. Adam. Donc, je dis, tous les fois, je dis à mes élèves de l'école de bibliothéconomie, Adam a certainement parlé avec sa femme. Et donc, il a inventé le langage du monde. C'est un symbole, c'est bien sûr. Et enfin, le Christ, qui est la parole. Et puis, il y a des livres sur chaque scène. Il y a des livres posés sur des tables, sur des bancs, dans les mains des personnages, sur des lutrins. Les livres sont présents partout sur ces images. Et les livres sont les protagonistes de tout ça. Et puis il y a toujours ce mélange, Antonio Manfredi, qui est très étonnant à Rome, mais particulièrement dans les lieux religieux au Vatican. C'est ce mélange des époques, c'est-à-dire quand on regarde ces tableaux, il y a à la fois ce que vous disiez tout à l'heure, des scènes de la culture de l'époque contemporaine, du moment où ces peintures ont été faites, et puis des gens qui sont habillés en costumes antiques, en toge, ou alors avec des cuirasses. Parce que la modernité, c'était l'ancien. La découverte de l'ancien devient la véritable modernité. Nous possédons maintenant 180 000 manuscrits et 1,5 million d'imprimés. Ce que me mouve beaucoup, c'est par exemple l'idée que le Vatican a conservée jusqu'à nous, par exemple, les derniers Virgiles de l'âge romain, et aussi des manuscrits de la Bible du second siècle. Mais il y a des choses émouvantes par soi-même. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'étudier un manuscrit de Michel-Ange qui pense avec la plume. Et pas seulement écrivant, mais dessinant quelque chose. Et ça, c'est vraiment émouvant. On longe des murailles, alors qu'ils sont à peine percés de fenêtres, des murailles rouges en permanence. Ici, vous pouvez voir de loin la Casina di Pio Quarto, c'est-à-dire une petite maison de campagne imaginée comme une petite ville romaine. Vous pouvez la voir ici, à votre gauche, après le mur. Donc là, on a à notre gauche, on a des pins parasols, des cyprès, des arbres. On est vraiment dans un jardin. C'est maintenant l'Académie des sciences. De monter une rue avec toujours ces petits pavés romains là qui sont traîtres pour les chevilles. Il y a beaucoup de voitures au Vatican. Oui, hein. Oui, parce que ce sont les voitures des employés. Le supermarché du Vatican est ouvert tous les matins. Le dispensaire et la pharmacie tenue par les frères Saint-Jean de Dieu le demeurent l'après-midi. Ah, ceci, c'est le café du commerce. Donc, les frères Saint-Jean de Dieu tiennent la pharmacie jusqu'au-delà de la fermeture des bureaux fixée à 14h, car on pratique ici la journée continue à partir de 8h. Inutile de chercher à entreprendre quoi que ce soit l'après-midi, le Vatican est un désert. Sécurité sociale, congés payés, prestations familiales, retraite garantie et même place assurée dans la crypte de la petite église Sainte-Anne si l'on habite sur place et si l'on y a passé sa vie. Pas d'impôts, pas de taxes, pas de syndicats sur le territoire de l'État. Côté technique, une centrale électrique inaugurée par Pionce en 1933. C'est une usine capable d'éclairer une ville comme Auxerre, avec une centrale thermique pour chauffer la cité. Quoi qu'il en soit, la gare du Vatican est la seule au monde qui ne possède pas de guichet pour les voyageurs. N'y arrivent que des wagons de marchandises scellés par les clés de Saint-Pierre. Le Vatican, sa curie, ses dicastères, ses congrégations, ses conseils pontificaux et ses comités. Tous ces organes forment le gouvernement de l'Église. Ils veillent sur la doctrine, les ordres religieux, les églises et les conférences épiscopales. Ils chapeautent les nonciatures, les missions ou l'éducation catholique. Mais le Vatican pratique aussi le soft power. Il reste en contact avec les laïcs et les non-croyants par le biais de la culture, du dialogue ou de la recherche et tente d'évangéliser. Mais alors, que se passe-t-il dans les milliers de bureaux du Vatican ? Derrière une de ces portes, sur la place Saint-Pierre, on trouve le père Bernard Ardoura, président du comité pontifical pour les sciences historiques. Le Saint-Siège était absent d'une réalité internationale qui s'appelle le Comité international des sciences historiques. Père Bernard Ardoura. Le Saint-Siège a été invité à plusieurs reprises au temps du pape Pie XII. Et c'est en 1954 que Pie XII a créé le comité. Le but, c'est de partager entre les historiens de différents États sans tenir compte ni de leur appartenance religieuse, ni de leurs options idéologiques, des grandes questions qui intéressent, au fond, le monde entier. Et est-ce que ce comité est aussi, finalement, l'héritier de ce qu'avait créé Léon XIII au XIXe siècle, qui était aussi quelque chose qui était lié à la science qui se développait et à peut-être aussi une historiographie qui se mettait en place qui était contre le catholicisme? Alors, nous sommes à la fin du XIXe siècle. Il y a un profond anticléricalisme, particulièrement en Italie. Alors, Léon XIII, il se rend bien compte de la situation, mais, dit-il, nous ne pouvons pas nous contenter d'être sur la défensive. Alors, il prend une grande initiative. Il ouvre les archives du Vatican à tous les chercheurs. Donc, nous avons là, avec Léon XIII, une autre façon de se comporter. On ne peut pas rester sur l'apologétique, mais il faut trouver des historiens qui pratiquent une historiographie sérieuse, qui est avant tout fondée sur l'étude des sources, sur l'étude des documents. Justement, est-ce qu'il n'y a pas, au moment des canonisations, des enquêtes aussi, justement, avec ces documents historiques ? Et je crois aussi que le dossier de Pie XII, justement, est en cours, ou est à l'étude. Déjà, l'aspect de l'héroïcité des vertus, donc, a déjà été fait. Et puis, donc, il faudrait maintenant que l'on trouve un miracle. Mais on peut penser que, de toute façon, le pape ne fera rien avant que l'on ait ouvert les archives du pontificat de Pie XII. Et justement, vous pouvez peut-être nous expliquer comment se passent ces processus de canonisation, quelles sont les étapes et le fonctionnement? Lorsque une personne qui a été décédée ou récemment, ou bien dans des temps plus anciens, semble jouir de ce qu'on appelle une réputation de sainteté, c'est-à-dire qu'il y a un nombre assez important de personnes qui la connaissent, et qui prie d'intercéder pour eux, à ce moment-là, s'il y a ou bien un diocèse ou une congrégation religieuse ou une association, je vous donne un exemple, la cause de Robert Schuman, donc le père de l'Europe, a été introduite par une association qui s'est donnée pour but précisément de promouvoir cette cause. Alors, l'évêque du lieu où est décédée la personne crée ce qu'on appelle un tribunal dans lequel on va apporter toute la documentation que l'on a été capable de réunir. Et également, c'est là que l'on va entendre les témoins. Alors, si ce sont des personnes qui ont connu directement celui qu'on appelle maintenant le serviteur ou la servante de Dieu, on va leur poser tout un tas de questions sur sa vie habituelle et comment, à travers sa vie, il a donné le témoignage eh bien, de pratiquer les vertus chrétiennes au-delà de l'ordinaire. Et puis également, si de son vivant, ou au moment de sa mort ou après, on disait « Ah oui, cette personne est vraiment une sainte personne. » Alors tout ceci peut durer parfois des années, parce qu'il y a une recherche documentaire à faire sur le documentaire. Lorsque le procédure s'est terminé, on envoie toute la documentation ici, à Rome, de l'autre côté de la place, dans la congrégation pour les causes des saints. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Donc, à chaque chapitre, on va annexer une série de documents qui vont permettre de justifier, évidemment, ce que l'on affirme. Ça peut durer des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Lorsque cette position est terminée, eh bien, elle prend son tour. Par ordre chronologique. Mais mais parce que Dieu nous a donné un signe. Et donc, la plupart des miracles qui sont constatés, et qui ne sont pas très nombreux, la plupart sont des guérisons. Des guérisons que l'on considère inexpliquées par la science dans l'état où elle est aujourd'hui. Et non pas inexplicables. Et ce n'est qu'après tout cela que le pape, à qui on remet donc un rapport général, décide oui ou non de procéder à la béatification. Parce que donc, il y a aussi des questions d'opportunité. Cantare, oh oh oh. Alors, c'est ce que j'allais vous proposer. Est-ce que maintenant vous l'avez mérité? Ah, c'est gentil. Maintenant vous l'avez mérité. Bien précisément, le jour de l'audience, on ne peut pas. Pour des mesures de sécurité. On ne peut pas aller sur les terrasses. Vous voyez? Ah, je suis trop petite. Oui, montez là. Donc on voit vraiment, on est au-dessus et on est donc au niveau à peu près du haut des colonnes du Bernin. Parce que là, on a les statues qui sont juste à notre niveau, on pourrait presque les toucher. Oui, absolument. Et puis on voit tous les gradins, donc les gradins qui sont installés pour l'audience. Jusqu'à la hauteur de l'obélisque, depuis la basilique, il y a place pour 30 000 chaises. Nous sommes dimanche, il est bientôt midi, c'est bientôt l'heure de l'Angélus. Là, on est sur l'avenue de la Conciliazione, il pleut un tout petit peu. Et puis, il y a énormément de monde qui remonte tranquillement l'avenue du Tibre jusque la place Saint-Pierre et qui viennent pour écouter la bénédiction du pape. On est sur la place Saint-Pierre, la foule commence à s'agiter et voilà que le pape apparaît à son balcon. Une petite fenêtre du palais épiscopal, ce n'est pas le balcon de Saint-Pierre, il fait signe à la foule de la main. C'est une toute petite silhouette dans une fenêtre qui est très éloignée, une toute petite silhouette blanche. Cari fratelli, sorelle, nonostante il brutto tempo, siete venuti in tanti. Complimenti. Saluto tutti i pellegrini presenti, in particolare il coro del Conservatorio Professional de Musica di Orihuela, Spagna. I giovani del Collège Saint-Jean de Passy, Parigi. I fedeli dell'Ungheria e i gruppi musicali del canton Ticino della Svizzera. Donc, il distribue des évangiles pour les gens qui sont venus sur la place Saint-Pierre. Donc il y a des bonnes sœurs avec leurs coiffes. Certaines sont en noir et blanc, d'autres sont en gris. Et elles distribuent avec des gens qui ont l'air d'être sans domicile fixe, j'ai l'impression. Ils distribuent des évangiles aux gens qui sont venus sur la place. Les sœurs qui les distribuent expliquent aux gens qui les prennent que c'est un cadeau de la part du pape François. Donc un petit évangile relié. Grazie. Grazie. Prego. Ancora. Si, se ne può. Grazie, grazie, grazie. La curie travaille derrière les murailles du Vatican, mais aussi dans les nombreux immeubles et palais que possède le Saint-Siège dans la ville, que ce soit le palais San Callisto dans le Trastevere ou d'autres immeubles sur l'avenue de la Conciliazione. Le palais de la Chancellerie au Campo dei Fiori, le palais di Propaganda Fide, Piazza di Spagna, les palais du Saint-Office et del Vicariato, Via della Pigna, ou le palais Gabrielli Borromeo, Via del Seminario. Et c'est dans une de ces enclaves territoriales vaticanes de Rome que travaille le Père Mazas, au Conseil pontifical de la culture. Alors vous participez aussi à un organisme, à un groupe qui s'appelle donc le Parvis des Gentils. Peut-être pour nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, alors ça c'est une des choses qui restera peut-être du pontificat de Benoît XVI, qui était, comme vous le savez, un intellectuel et qui a toujours été aussi très très sensible à essayer de comprendre le monde contemporain. Donc il a dit, mais il faut que l'Église fasse beaucoup plus pour aller à la rencontre des non-croyants dans une attitude respectueuse d'écoute et de dialogue. Pas nécessairement avec l'intention de vouloir convertir l'autre, parce que dans ces cas, on n'écoute pas l'autre. Alors, et il a pris cette image qui date de l'an 0, à l'époque du Christ. Il y avait le temple de Jérusalem, et dans le temple de Jérusalem, il y avait un autre espace à l'intérieur même du temple qu'on appelait le parvis des gentils et qui était pour tous ceux qui n'avaient pas la foi d'Israël, qui pouvaient interroger les scribes pour comprendre un peu mieux et qui pouvaient s'unir à distance à la prière du peuple d'Israël. Donc on a repris cette image parce que dans le monde d'aujourd'hui, pour communiquer, il faut avoir des images et on organise des événements avec des grandes personnalités, académiciens, professeurs d'université, parfois hommes politiques, grands journalistes, etc. On choisit des grandes questions de l'existence humaine et on débat ensemble. Je prends l'exemple, on est allé à Palerme, on a parlé de l'égalité, de mafia et d'anti-mafia. On est allé à Barcelone où on a parlé de beauté, de transcendance. Nous, on a beaucoup travaillé, je me rappelle, d'une réunion avec le Conseil de l'Europe à Sarajevo. Sarajevo à l'époque, si vous en souvenez, on parlait de conflits religieux entre les orthodoxes, surtout les Serbes orthodoxes, et puis les musulmans. À cette réunion qu'on a fait avec le Conseil de l'Europe, où il y avait des experts qui venaient de toute l'Europe, il y avait le cardinal catholique, le moufti et le rabbin, et tous les trois ont dit, mais nous, pendant le conflit, on passait tout notre temps à se rencontrer pour essayer de faire sortir nos communautés de cette chose. Donc, ne dites pas que c'était un conflit religieux. Il y avait une dimension religieuse au conflit. Pourquoi ? Parce que le sentiment religieux est facilement utilisable. Couloir calme, clair, vaste et immaculé. Ascenseur, dalle de pierre et hauteur sous plafond. On passe d'un étage à un autre, du Conseil pontifical pour la culture au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux que préside le cardinal Jean-Louis de Torrent. Délicate silhouette voûtée, ceinture et calotte rouge sur soutane noire. Alors peut-être vous pouvez nous parler, cardinal Torrent, maintenant de ce rôle que vous avez à la tête du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et peut-être nous expliquer comment est né ce conseil et puis ce qu'est son rôle. Il est né dans le contexte du Conseil Vatican II, à une époque de la sécularisation et de la mondialisation. Alors le dialogue interreligieux n'est pas le dialogue entre les religions, ce n'est pas un exercice de théologie comparée, c'est le dialogue entre les adeptes, entre les croyants. Et ça c'est très important parce que ça montre combien c'est quelque chose de concret. On ne fait pas de la philosophie ni de la théologie, c'est des hommes et des femmes comme nous qui sont affrontés au même problème que nous, qui essaient de résoudre les problèmes comme nous le faisons nous. Et donc il y a cette communauté de destin. Mais le but n'est pas de convertir. La conversion c'est la rencontre de deux libertés, celle de Dieu et celle de l'homme, et on n'a aucune prise dessus. Par contre, les chrétiens et les musulmans, pour prendre un exemple plus concret, ont beaucoup de choses communes, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage. Et puis une fois qu'on a bien vu quel est le contenu de la foi de l'un et le contenu de la foi de l'autre, eh bien, on essaie de mettre ensemble ce positif au service de la société. Voilà. Ceci dit, évidemment, tout ça est très beau, mais mis en péril par ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak. Donc, tout le monde sait que cet État islamique n'a rien à voir avec l'islam, n'a rien à voir avec un État. Mais ils ont l'argent et la violence. Et vraiment, personne ne sait comment ça va finir. Et d'autant plus que vous connaissez assez bien l'islam, puisque vous avez été au Liban. Oui, j'étais en poste au Liban pendant 4 ans et demi. Puis, quand j'étais à la secrétaire d'État, je me suis occupé beaucoup de la crise du Moyen-Orient. Donc, le pape m'a envoyé faire une tournée dans plusieurs pays musulmans pour que je t'explique pourquoi on faisait des relations diplomatiques, parce que c'est pas évident. Le pape François, évidemment, comme nous tous, voit très bien que le processus de paix, au lieu d'avancer, recule. On a l'impression qu'on va retourner à la case départ. Donc il faut absolument au moins assurer un statu quo et repartir. La méthode du pape François pour tous les problèmes, c'est oublions le passé, que pouvons-nous faire aujourd'hui et demain? Voilà, c'est ça, je crois que c'est ça sa méthode. Alain Le Gouguet, 20 septembre 2006. Toujours pas d'excuses et encore des regrets de la part du chef de l'Église catholique accusé il y a quelques jours d'avoir insulté l'islam et les musulmans. Au cours de son audience générale hebdomadaire au Vatican, Benoît XVI est revenu ce matin sur ce qu'il appelle le malentendu de Ratisbonne. En français, il a réexpliqué le sens de son propos. Malheureusement, la citation faite au début a été l'objet d'un malentendu, alors que je voulais expliquer que ce ne sont pas la religion et la violence qui vont ensemble, mais la religion et la raison. Rappelant mon profond respect pour les grandes religions du monde, et donc aussi pour les musulmans qui adorent les dieux uniques, et avec qui nous sommes engagés à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les biens de la morale, la paix et la liberté, j'espère que mes paroles à Ratisbonne pourront constituer un encouragement à un dialogue positif entre les religions comme entre la raison moderne et la foi des chrétiens. Le pape Benoît XVI, celui de la gaffe de Ratisbonne et celui de la renonciation, aimait se ressourcer dans les jardins à l'italienne aux mille nuances de vert de Castel Gandolfo. La résidence d'été des papes à une trentaine de kilomètres de Rome, dans les hauteurs, au bord d'un grand lac, est une promesse de fraîcheur et la possibilité pour les souverains pontifes de redevenir provisoirement des hommes. Benoît y donnait des miettes de pain en poisson rouge, Jean-Paul II y avait fait construire une piscine pour y nager un crawl sportif, d'autres y faisaient du cheval, certains sont venus y mourir, et l'un d'eux y a installé une ferme qui fournit deux fois par jour le Vatican. Le pape y a ses vaches, ses lapins et ses poules. Alors on est là, Anna Delia, dans la ferme de Castel Gandolfo, la ferme qui alimente en poules, on peut les entendre, en viande, en lait, le Vatican. Alors c'est une ferme, là on est devant un bâtiment ocre avec des cyprès et puis des pins parasols comme on peut en trouver partout. Il y a sur certains endroits l'emblème du pape avec les clés de Saint-Pierre et la mitre des papes. Alors on va s'avancer. Il y a des petits veaux dans leur stalle. Les veaux qui iront dans l'assiette du pape. Et peut-être est-ce que le directeur peut nous expliquer comment fonctionne cette ferme et qu'est-ce qui va au Vatican? Innanzitutto la fattoria ha una produzione. La produzione dei prodotti agricoli. La ferme a une production qui est destinée à une clientèle institutionnelle. Bah, le Saint-Père et les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires de l'État du Vatican et les personnalités qui y résident. Prima linea è il nostro supermercato presso la città del Vaticano, quindi tutti i dipendenti e chi ha la tessera per produzione eccetera. Il y a un supermarché au Vatican, la nona, qui garde le terme latin, donc le ravitaillement, c'était en latin la nona, pour les familles des employés du Vatican, de l'État du Vatican. Et noi produciamo circa dai 1000 ai 1300 di litri di latte al giorno. Questo latte viene lavorato, viene imbustato. Pour ce qui concerne les produits laitiers, on a une production de entre 1000 et 1300 litres de lait par jour. Donc le lait est pasteurisé une seule fois. Et donc on a toute une production de produits laitiers, mais aussi de fromage, de yaourt. Et il y a aussi des poules qui sont les œufs et de la volaille en général. Et puis on a des lapins. Et puis il y a aussi la production de fruits et de légumes. Il y a une camionnette qui fait des allers-retours par d'ici pour aller au Vatican. Elle rentre à la sera. Et à midi, ils ont rentré. Sa sainteté a tout mangé, deux sortes de jambon cru, et puis il a fini toutes les crudités, il a dévoré les fruits, et il a aussi pris un petit gâteau. Et maintenant, il se repose dans ses appartements. annunciare. J'ai le grand honneur d'annoncer que dans quelques instants, le pape Pie XI inaugurera la station radio de l'État de la Cité du Vatican. 12 février 1931. Les ondes électriques transporteront dans le monde entier sa parole de paix et sa bénédiction. Avec l'aide de Dieu qui met tant de mystérieuses forces de la nature à la disposition de l'humanité, j'ai pu préparer cet instrument qui procurera aux fidèles du monde entier la consolation d'entendre la voix du Saint-Père. Les radiomessages pontificaux commencèrent ce jour-là. La voix du pape, pour la première fois dans l'histoire, put être entendue simultanément dans toutes les parties du monde. Ineffable consolation des catholiques, surtout des plus éloignés et des plus isolés. You're listening to Vatican Radio World News. These are your headlines this Thursday evening. Pour rejoindre les bureaux de Radio Vatican, il faut redescendre encore une fois la Via della Conciliazione en allant vers le château Saint-Ange et entrer dans le Palazzo Pio. On arrive alors dans un vaste bâtiment de 5 étages au couloir dallé qui abrite les nombreuses rédactions, la pointeuse du personnel, sa terrasse avec vue sur le Tibre et sa chapelle. Marie Duhamel fait partie de la rédaction française. On est, je crois, entre 350 et 400 personnes, 39 rédactions en langues différentes. Dans les langues, il y a des langues vraiment, le swahili, l'espéranto, le latin, l'hébreu, en japonais, en chinois. Voilà, donc la langue française est encore une langue qui existe. On est assez nombreux dans notre rédaction, on est une dizaine. Hein. Mais évidemment, les Italiens nous battent à plate couture. Ils sont, je crois qu'ils sont 70 sans compter l'administration. C'est un endroit qui est très particulier aussi au sein du Vatican parce qu'il y a énormément de laïcs. Donc c'est une institution qui est dirigée par les jésuites depuis toujours. Toutes nos directions, ce sont tous des jésuites. C'est eux qui gèrent la radio, à la fois la ligne éditoriale, les programmes et la partie administrative. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de laïcs et beaucoup de femmes. Donc là, on passe à côté de la rédaction chinoise. Ils sont très très actifs sur Internet, notre rédaction chinoise. C'était beaucoup plus facile pour eux au départ d'être sur Internet que d'émettre en Chine, vous imaginez bien. Et donc finalement, les radios libres à elles de récupérer certains programmes, la totalité des programmes. Alors en général, ce sont des radios diocésaines ou des radios, des grosses radios quand même, comme le réseau RCF en France qui est important, ou Radio Notre-Dame à Paris. Et ils récupèrent nos journaux, nos productions. Par exemple, ces journaux d'actualité internationale, c'est une ouverture sur le monde qui, eux, ne peuvent pas nécessairement se permettre, même financièrement. Et vous dépendez justement de quel dicastère, vous, enfin, la Radio Vatican dépend de quoi De personne. D'accord. On est un électron libre, on dépend des jésuites, voilà, qui eux-mêmes sont des électrons libres. Après, ils ont évidemment des comptes à rendre au pape, mais... Marie Duhamel. Disons que parfois, on a des recommandations... Des conseils ou des. Par exemple, on a décidé de ne pas diffuser les images de l'État islamique sur notre site internet. Ça, c'était une décision qui a été prise pour tous les médias du Vatican par la secrétaire d'État. Voilà, elle chapeaute le tout, quoi. C'est celle qui s'occupe de la diplomatie, donc elle fait vraiment attention à ce qu'on publie, à ce qu'on diffuse. Et on est écouté par les ambassadeurs près le Saint-Siège. Et aussi, c'est merveilleux parce qu'on a des missionnaires dans le monde entier, donc c'est un peu nos correspondants, on les appelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien compris. Et ce qui est super, c'est qu'on a à la fois des relais, à la fois au niveau de la réflexion, des intellectuels, des personnes qui réfléchissent dans le monde de l'Église, et des universitaires, enfin voilà. Et il y a tous ces gens qui travaillent sur le terrain et qui font un travail vraiment incroyable, à Alep, enfin à Homs, en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Ben voilà, on allait d'une église, d'une paroisse à l'autre pour savoir ce qui s'y passait. Et ça, c'est hyper précieux pour nous. Enfin, vous avez dit qu'il y avait des religieux et puis des laïcs aussi dans cette radio. Est-ce qu'on vous demande, ou en tout cas, on attend de vous que vous soyez catholique, que vous soyez croyant, que vous soyez... Est-ce que ça, c'est quelque chose qui entre en ligne de compte aussi? Toutes les personnes qui travaillent pour le Saint-Siège sont baptisées. Et maintenant, ils demandent aussi à ce qu'on soit confirmé. Et ils souhaitent aussi qu'on ait une lettre d'un prêtre... qui garantissent notre pédigré. Voilà, c'est ça. Notre parcours individuel, voilà. Et c'est quelque chose qui est demandé, oui. Alors, il y a justement une chapelle à Radio Vatican. Peut-être vous pouvez nous amener jusqu'à cette chapelle. Hop. Il y a un panneau avec la messe en latin. Cette messe en latin, elle est vraiment extrêmement suivie, en fait. La messe que les auditeurs écoutent et la messe qui est dans cette chapelle ? Oui. Après, on a, donc, vous voyez, en rite byzantin roumain, ukrainien, en italien, en slave, en arménien. On a un rite maronite aussi. Et après, toute la radio se rassemble dans cette chapelle à différentes occasions, et notamment en septembre, pour la Saint-Gabriel, c'est notre Saint-Patron. Donc, le patron de la radio ? De la radio, des médias, de la communication. Alors, je vous en prie. Ici, on a... Donc, quand on a ces messes qui sont un peu qui nous rassemblent tous de toutes les rédactions et de toutes les langues, on a une religieuse du quatrième étage qui vient nous chercher par rédaction pour savoir qui veut chanter, en quelle langue, comment, quoi. Puis on a des musiciens aussi qui participent activement. Vous chantez à la messe oui. Pff, je chante extrêmement mal, donc j'évite de chanter. De la radio au journal, le soir, il faut encore remonter la Via della Conciliazione, admirer la basilique illuminée qui brille au bout de l'avenue et tranquillement, au milieu des touristes et des religieux, entrer à nouveau dans le Vatican par la porte Sainte-Anne. On longe la muraille jusqu'au bureau étrangement calme de la rédaction de l'Osservatore Romano et là, dans la salle d'attente de son directeur, Gian Maria Vian, une photo du pape. Le pape Benoît qui lit le journal, on pourrait presque dire son journal. Gian Maria Vian, vous pouvez nous parler aussi de l'histoire de l'Osservatore Romano, qui est le journal que vous dirigez, un journal très ancien. C'est un des journaux les plus anciens, parce qu'il est fondé en 1861. Et il est fondé quand, à Rome, le pape est encore roi. Et il est fondé par des journalistes, un journaliste et un avocat. Alors, ces deux laïcs se sont transférés à Rome avec l'intention de fonder un journal pour défendre les raisons du pape, pas seulement comme chef de l'Église, mais aussi comme souverain temporel. Pour réclamer en fait que les états pontificaux demeurent. C'est ça. Le projet est soutenu par les gouvernements pontificaux, et le journal commence à être publié. Et donc c'est devenu le journal du pape, enfin de la papauté. Si, il l'était déjà, mais pas comme propriété. Le journal est publié pendant 10 ans dans une Rome qui est sous la souveraineté du pape. Après, il est publié dans une Rome italienne, sans difficulté. Il a interrompu ses publications pendant 3 semaines, pas plus. Et ça a permis la liberté du journal. La liberté par rapport à qui ? Par rapport à l'Italie, il y avait le fascisme. Et l'Osservatore Romano, pendant toutes les années 30, et pendant toute la guerre, a été une des journaux libres, disons, dans la péninsule italienne, mais je dirais même plus, dans l'Europe, une des rares voies libres. Et ça, parce que les journaux étaient de l'État Vatican. Mais libre par rapport à l'Italie fasciste, mais est-ce qu'il était libre par rapport au pape ? Non, ça, c'est... chaque journal a un patron. Aucun journal n'est libre. Personne ne critique le patron. Et c'est évident. On pense que nous sommes la Pravda et on pense que nous sommes publiés en latin. Ni l'un ni l'autre chose est vrai. Il n'y a aucune institution religieuse qui a un quotidien comme à l'Église de Rome. Ça, c'est une particularité. C'est intéressant, ça. L'Osservatore Romano, lui, est à la fois officiel et non officiel parce que chaque jour, nous publions dans une section du journal nos informations, nostre informazioni, les audiences et les nominations du pape. Et là, c'est officiel. Mais en réalité, c'est le journal qui publie tout de suite et plus largement les textes du Saint Pontife. Maintenant, par exemple, des textes qui sont très très cherchés, très très lus, sont les homélies du pape à Sainte-Marthe. On peut supposer que ce que nous écrivons ne va pas contre la ligne du Saint-Siège. Et comment ça se passe, Gian Maria Vianne, quand par exemple vous faites face à des affaires qui touchent le Vatican? On peut penser à l'affaire des Vatilix, on peut penser aux affaires de pédophilie. Comment vous faites dans ces cas-là? Nous avons beaucoup informé, surtout sur la question des abus, qui est un scandale énorme. A été une bataille notamment de Ratzinger comme cardinal et après de Benoît XVI et qui continue à être dans les soucis de François. On cherche de publier des nouvelles sûres, de ne pas être instrumentalisé. Je pense qu'il faut garder l'institutionnalité du journal. Et le journal aussi appuie les réformes que le pape François essaye de mettre en place, les réformes de la curie. Évidemment, il dit en rigolant que nous sommes les journaux du parti. Il est 7h du soir, la nuit est presque tombée, on est donc au Vatican. Il n'y a absolument personne, c'est désert, il y a des réverbères qui sont allumés. Mais c'est très étrange, on est comme dans une ville déserte avec plein de fenêtres qui sont toutes éteintes. On est le long de ces hautes murailles, donc il y a aussi un côté un peu oppressant. Et puis à notre gauche, il y a comme un mur d'enceinte avec des contreforts et des tours. Il y a des petits enfants qui jouent au foot dans une cour. Alors peut-être des enfants de gendarmes ou des enfants de garde suisse, en tout cas les enfants de ceux qui vivent au Vatican, qui ne sont pas très nombreux. Et puis là, on arrive près du poste de garde, près de la porte Sainte-Anne. On laisse derrière nous les murailles sombres du palais apostolique et on a devant nous les gardes suisses qui sont postés à l'entrée de la porte Sainte-Anne dans leur uniforme bleu avec leur petit béret et leur col blanc. Et donc on va rejoindre la ville qui est bruyante et qui vit alors que le Vatican semble déjà complètement endormi. Poi d'improvviso venivo dal vento rapita e incominciavo a volare nel cielo infinito. Merci à Felice Alborghetti, Père Bernard Ardoura, Philippe Chenot, Marie Duhamel, Osvaldo Gianoli, Bruno Joubert, Bernard Lecomte, Antonio Manfredi, Père Laurent Mazas, Sœur Anaïque Merel, Romano Milani, Adrien Pasquier, Marco Politti, Jean-Luc Poutier, Cardinal Jean-Louis Torrent, Olivier Tosseri, Gian Maria Vianne et les séminaristes Rodolphe, Vincent, David et Patrick. Extrait de Habemus Papam de Nanni Moretti et de Da Vinci Code de Ron Howard. Lecture Nathalie Canoui, Archivina Anaï Morales, stagiaire Marie Daroussin, traduction Anna Delia, coordination et site Marie-Vonne Abolivier, Aurélie Marseille. Prise de son Christophe Goudin, Jean-Guilain Meige et Jacques Hubert. Mixage Valérie Lavalard. Dans l'ombre du Vatican, une émission de Perrine Kervran réalisée par Véronique Samouilov.